Welcome to the sun. Ici tout est noir, c'est la talibé. Pas comme dans les Johnny Hallyday. La pute à ma gauche écoute validé. La pute à ma droite est cocaïne. Aucune d'entre elles ne sera câlinée. Les deux vont sucer fort, c'est ça l'idée. Du premier au dernier, je prends la qualité. MDMA dans le combat livré. Sombre combat que l'on voit livrer. Je m'arrête de gauche, je serai calibré. Je te tire dans la boca pour taquiner. Tu sors de ce galop, t'as bien tapiné. Planté dans leur cul, je suis déraciné. Chacun dit la vie doit t'assassiner. Tu l'as truqué, je l'ai machiné. Ma réalité, je l'ai imaginé. T'auras besoin de lui si tu viens au lutte. Mon menu, mon enfant de pute. Char de boxing dans l'utérus. Mon avocat est juif, ma pute est russe. Mon histoire qu'on l'a rébus. Comment faire un milliard ou plus. Nostradamus, connard, vit juste. Top et Wedja, César, Julius. Elle me demande combien de langues je lui explique. En tout cas, je parle pas chinois, je suis Milo, t'es bien, tu m'expliques. Elle demande combien de langues je lui explique. BH, papa, chinois, je suis Milo, Zevich, Hennig, Spitch. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. Pour de vrai. Je récupère le double R au volet. Mon litron de me sert bien d'être avalé. Proche la Francis sous je pensais comme maillé. Le rien à trop fou, je n'ai jamais travaillé. Pour Noël, je veux un pistolet. Tu veux acheter bilan, je veux cambrioler. Elle t'aime et je la baisse, elle t'a mitonné. Cœur de pierre, l'intérieur est capitonné. La rue, la seule pute qui m'a pistonné. Je sais réaliser, tu sais fictionner. Film de cuvette, ta mère vient de visionner. Sénégal, des carrés avec elle si tu tires. On pulse un comportement odieux. Beaucoup trop montré du doigt. Ils disent ne craindre que Dieu. Mais ils craignent enfin du mois. Je mange de la harira, j'ai mes finances. Au commissariat dans le plus grand des silences. Tu vendrais ta mère pour bout de pain. Tu m'envoies des pics que je mets sur mes loups boudins. Tu sais je vais niquer ta mère. Si tu continues à m'ignorer. En roi arrière sur moi chemin. Je vois pas ce que je pourrais améliorer. Elle me demande combien de langues c'est aussi. En tout cas je parle pas chinois. Je m'y lance et bien chinois bitch. Elle me demande combien de langues do you speak. BH, papa, chinois, je suis Milo, Zevich, Hennig, bitch. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. Pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. On encule moult de grand-mère. Dans le cœur fusant propulseur. J'enterre tellement de négro dans ce Genzer. La faucheuse c'est comme une sœur. Fuck ce que l'avenir me réserve. J'suis pas acteur, j'suis producteur. Le thème est radiqué, fils de pute. 24 carats, fil conducteur. Dieu, quoi de mieux qu'un négro de 100% à Abidjan. J'irai avec Mère Teresa, avec la poche à Nabila. J'vais tourner ce clip avec Chris Macari de Madinina. Même ton club sur la tombe, jamais tu ne m'intimideras. J'vais à mes filles, me déteste. J'ai pas peur de marcher là. J'préfère ma paire de couronnes à ma paire de Margiela. Il m'aura qu'à, il me douille.